Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'argent et tu t'inquiètes. Laisse-moi te dire, fléchis les genoux, le Seigneur va te surprendre. Il y a un miracle que le Seigneur va opérer et tu auras l'argent dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins. Mais tu dois marcher par la foi et l'obéissance. C'est ce que Dieu te demande. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière OSB, opération sur la brèche. Nous allons prier avec le psaume 63. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie, sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Trois vérités que je vais partager avec vous à partir de ce psaume, chers amis de OSB. Première vérité, dans notre désert, cherchons la face de Dieu. Je parle à quelqu'un, tu es en train de vivre un moment de désert. Le moment de désert, ce sont des moments de solitude où tu te sens seul, tu te sens abandonné. Même tes proches, tes parents t'ont abandonné. Même les gens que tu aidais, ils t'ont abandonné. Tu te sens seul, tu es dans ton désert. Tu as l'impression que tout finit, comme si le monde, le ciel va tomber sur toi. Tu es dans un désert. Oui, tu peux traverser de tels moments. David a connu de tels moments. Mais dans ton désert, ce que tu dois faire, ce n'est pas de pleurer. Cherche la face de Dieu. Le verset 1 plante le décor de ce psaume. David rédigea ce psaume pendant qu'il était dans le désert de Juda. Il s'agit probablement de lorsqu'il fuyait son fils Absalom. Les déserts, donc, représentent les périodes sombres de notre vie, les périodes de déception, d'échec, de combat, de solitude. Presque tous les grands personnages de la Bible sont passés par les déserts. Abraham est passé par les déserts lorsque sa femme Sarah était stérile et il a dû attendre pendant 25 ans l'accomplissement de la promesse divine. Il a espéré contre toute espérance et Dieu lui donna Isaac. Isaac lui-même a connu les déserts lorsqu'il fut chassé par le roi Abimelech. Jacob a connu les déserts lorsqu'il fouillait son frère Ésaü. Joseph a connu les déserts lorsqu'il fut vendu comme esclave par ses frères et qu'il fut emprisonné injustement. Jésus lui-même, fils de Dieu, il a connu les déserts lorsqu'il fut abandonné par ses disciples et qu'il affronta la mort sur la croix. Pendant que nous traversons notre désert, cherchons la face de Dieu, comme David. C'est pourquoi David dit au verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Chercher la face de Dieu, c'est recourir à la prière. Parfois, tu peux même jeûner. Tu passes du temps dans la présence de Dieu. Jésus est aussi pour nous un bel exemple. Dans Hébreux 5, verset 7, la Bible nous dit, « Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Voyez, pendant les temps difficiles, la Bible nous dit que Jésus a crié à l'Éternel. Deuxième vérité. Adorons et louons le Seigneur au milieu des difficultés. Quand tu vis des moments de difficulté, tu dois apprendre aussi à louer Dieu. C'est une marque de la foi, une démonstration de la foi. On ne doit pas seulement louer Dieu quand tout marche bien, quand tu as acheté une voiture, quand tu as acheté de nouveaux habits, quand ton fils a été admis à un concours, ou bien tu as été promis à un poste élevé. Mais nous devons apprendre à les faire même pendant les difficultés. C'est ce que ce psaume nous enseigne. Il y a 5 expressions que David utilise pour exprimer sa louange à Dieu et son adoration. Il dit, je te contemple dans le sanctuaire, verset 3. Contempler Dieu dans le sanctuaire, ça signifie l'adorer. Tu regardes, tu oublies un peu tes difficultés, tu oublies tes problèmes, tu regardes, tu contemples sa sainteté, sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Il dit aussi, mes lèvres célèbrent tes louanges, verset 4. Qu'est-ce qui sort de tes lèvres ces derniers temps? Est-ce que ce sont des injures, des murmures, ou bien ce sont des louanges? Il dit, je te bénirai toute ma vie, verset 5. Je lèverai mes mains en ton nom. Verset 5. Avec des cris de joie, ma bouche te célébrera. Vous voyez, toutes ces expressions nous montrent que nous devons apprendre à louer Dieu, même pendant les périodes difficiles, même dans nos déserts. Au lieu de contempler nos problèmes, contemplons Dieu pour voir la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Il dit, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Si tu veux voir la puissance divine, si tu veux voir la gloire divine, contemple sa gloire, contemple sa grandeur, contemple, passe du temps dans sa présence, en train de l'adorer. Tu verras que tes problèmes deviendront petits. Au verset 4, David mentionne la bonté de Dieu. Il pense à Dieu et il médite sur lui pendant les veilles de la nuit. Il réalise que Dieu est son secours et il se sent dans la joie à l'ombre de ses ailes. Le sanctuaire pour nous, aujourd'hui, ne signifie pas forcément le temple. À l'époque, tous les Juifs allaient à Jérusalem pour adorer dans le temple. Lorsqu'ils étaient en exil, ils priaient en se tournant vers Jérusalem. Nous devons adorer le Seigneur aujourd'hui en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus, en parlant à la femme samaritaine, va dire « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Jean chapitre 4, verset 21 à 23. Dans la présence de Dieu, nous bénéficions de deux éléments importants. Nous sommes rassurés spirituellement, nous sommes rassasiés spirituellement, au verset 6. Et nous bénéficions de sa protection et de son secours à l'ombre de ses ailes. Lorsque Ruth la Moabite a perdu son mari, elle choisit de suivre Naomi parce qu'elle crut en Dieu. C'est ainsi qu'elle, cette dernière, prononça ces paroles de bénédiction à son égard. Elle dit, « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Vous trouvez ça dans Ruth 2, verset 12. Lorsque nous contemplons Dieu, nous réalisons sa grandeur, sa puissance, sa bonté, sa fidélité. Et cela doit nous pousser à le louer et à le célébrer. Au lieu de nous apitoyer sur notre sort, sur notre visage, que notre visage rayonne de joie et d'allégresse, cela nous pousse à nous attacher à Dieu, à l'instar de David, qui dit, mon âme est attaché à toi. Ta droite me soutient. Troisième vérité, Dieu venge ceux qui se confient en lui et il anéantit leurs ennemis. David avait toujours cette assurance que Dieu lui-même s'occupait de ses ennemis. C'est pourquoi il dit, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Verset 10-11. Il ajoute que sa destinée, c'est la réjouissance et la gloire. Verset 12. Les expressions profondeurs de la terre, glaive, nous font penser au jugement de Dieu et à la perdition éternelle. Nous pouvons aussi illustrer ceci par le combat que Aman livra contre Mardoché. Dieu renversa les complots d'Aman. Ce dernier fut pendu sous les bois qu'il a préparé contre Mardoché. Et Mardoché fut élevé et prit la place d'Aman. C'est Dieu lui-même qui a vengé son serviteur Mardoché. Ceci préfigure les jugements de Dieu contre les incrédules et la réjouissance de ses élus. Jésus nous enseigne qu'il y a deux groupes de personnes avec deux destinées différentes. Il y a d'une part ceux qui iront dans le feu éternel et d'autre part ceux qui iront dans la félicité éternelle. Matthieu 25, 46 dit « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans les secrets. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Élève tes mains là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Si tu connais Jésus, tu dois être rassuré que ta destinée est garantie. Tu vas passer du temps dans l'éternité avec ton Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous saluons tous ceux qui suivent OSB, où que vous soyez. Nous vous encourageons à partager OSB par WhatsApp pour que même en dehors de la Côte d'Ivoire, vos parents, vos enfants, vos amis puissent aussi bénéficier des OSB. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 63. Voici quelques points de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments de désert, de solitude, afin que Dieu les fortifie et qu'il les amène à chercher sa face. Priez pour que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire pendant ce moment d'épreuve. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Ce matin, nous élevons ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous exprimons notre reconnaissance parce que tu nous protèges chaque jour. C'est toi qui nous relèves dans nos chutes, c'est toi qui combats pour nous dans nos luttes. Ce matin, nous prions Père éternel pour tous ceux qui traversent des moments de solitude, pour tous ceux qui souffrent parce qu'ils ont été désertés, pour tous ceux qui souffrent parce qu'ils se retrouvent seuls au milieu des défis, au milieu des difficultés. David déclare, « Dans une terre aride et desséchée, je me tourne vers toi et tu es mon secours. Viens au secours de tes fils et de tes filles qui, en cette saison de fin d'année, se retrouvent dans une situation de solitude. Ceux qui ont été abandonnés et qui combattent seuls. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils se détournent de tes voies. Fortifie-les. Ils se confient en toi et ta parole déclare, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force morale. Renouvellent leur force émotionnelle. Renouvellent leur force spirituelle. Renouvellent leur force physique afin qu'ils puissent se relever. Fortifie-les et garde-les, ô Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur tout esprit de découragement. Nous prenons autorité sur tout esprit d'abattement et nous déclarons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que ta gloire se manifeste dans leur vie. Que ta sécurité les rassure. Que ton bâton les conduise dans les sentiers de la justice. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que nos nuits d'agitation se transforment en moments de méditation et de prière. Il y a quelqu'un qui, la nuit, n'arrive pas à dormir. Que le Seigneur te libère de l'insomnie et que tes nuits d'agitation se transforment en moments de prière, en moment où tu vas louer le Seigneur, au moment où tu vas contempler sa gloire au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche. Alléluia, gloire à toi, honneur à toi, acclamation à toi, élévation à toi, psalmodie à toi Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Tu nous as donné des nuits pour avoir un repos véritable et ne pas nous être dérangés. Malheureusement, il y a beaucoup parmi nous qui font des cauchemars où ils sont poursuivis par des hommes en armes, ils sont poursuivis par des serpents, par des chiens, par des chats, par des troupes qui veulent notre Dieu, qui l'en veulent. Ô Dieu Tout-Puissant, des gens ont peur de dormir, ils ont peur d'entrer dans leur maison. Ils ont notre Dieu, notre Père, des nuits blanches. Ils n'arrivent pas à dormir, ils ont l'insomnie. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'autres prennent des calmants, mais nous crions vers toi que nos nuits soient des nuits de repos. Soit des nuits de prière, des nuits de louange, des nuits de célébration, des nuits où nous lisons ta parole, nous faisons des proclamations prophétiques, nous faisons des proclamations, des paroles de sagesse, des connaissances sur notre vie, sur nos familles, sur nos enfants, nos époux, nos épouses. Nous croyons que notre Dieu, notre Père, tu vas nous donner ce repos véritable. Parce que nous nous reposons en toi, nous nous confions en toi, nous comptons sur toi. Viens à nos secours au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu lui-même puisse nous venger. Que Dieu lui-même puisse renverser tous les desseins des méchants. Comme il a renversé les desseins des ennemis de David. Comme il a renversé les desseins d'Aman qui voulait pendre Mardoché. Il est le Dieu de justice. Au nom de Jésus-Christ, il y aura renversement de la situation. Et le Seigneur va t'assurer la gloire avant la fin de l'année. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Commence à prier. Commence à proclamer cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, près de toi se trouve la tranquillité. C'est en toi se trouve notre espoir. Tu es le rocher de notre vie, la forteresse de notre âme. C'est en toi que reposent nos destinées. Nous te retournons toute la gloire parce que tu es notre rocher protecteur, tu es notre refuge. C'est toi qui nous a appelés à ton admirable lumière. Et ce matin, nous voulons te dire merci parce que tes promesses pour nous seront réalisées en cette fin de saison. Je crois, Seigneur, que cette maladie ne va pas nous emporter. C'est pour ta gloire. Alors j'annonce que cette maladie quitte nos corps au nom de Jésus-Christ. Cette infirmité qui est attachée à nous tombe au nom de Jésus-Christ. Et nous entrons pleinement dans notre grâce de fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es le Dieu qui nous venge. Tu nous venges de tous nos ennemis. Tu nous venges de cet esprit de mort. Tu nous venges de ces méchants qui veulent nous tenir captifs au nom de Jésus-Christ. Tu nous venges de ces méchants qui veulent nous couvrir de ces filets de l'oiseleur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes libres. Ce matin, nous déclarons que nous sommes affranchis en Christ. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes guéris en Christ. Nous sommes délivrés en Christ. Il n'y a point de condamnation sur nous. Et les démons qui ont été mandatés pour nous suivre sont aveuglés par le sang de Jésus-Christ. Et nous avançons joyeusement et une porte nouvelle s'ouvre. et quelqu'un entre pleinement dans sa grâce, dans son miracle, dans ses finances, dans son travail miracle et dans son élévation. Merci Seigneur pour la vie et la vie en abondance que tu nous donnes en cette fin d'année. Et merci parce que nous contemplons tes merveilles dans notre vie et nous pouvons te retourner toute la gloire parce que tu fais pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.